Quatrième mémoire sur l'instruction relative aux professions. Division des professions en deux classes. Toute profession doit être utile à ceux qui l'exercent comme elle l'est à ceux qui l'emploient. Cependant, elle forme deux classes bien distinctes. Les unes ont pour objet principal de satisfaire les besoins, d'augmenter le bien-être, de multiplier les jouissances des hommes isolés. Elles ne servent qu'à ceux qui veulent profiter de leurs travaux. En général, les hommes qui exercent ces mêmes professions ne s'y livrent que pour s'assurer une subsistance plus ou moins étendue. Ce n'est pas la société entière qu'ils servent, c'est avec d'autres individus qu'ils échangent leur travail contre de l'argent ou contre un autre travail. Il est d'autres professions, au contraire, dont l'utilité commune paraît être le premier objet. C'est à la société encore que ceux qui les embrassent consacrent leur temps et leur travail, et elles sont en quelque sorte des fonctions publiques. On doit placer dans la première classe tous les métiers, toutes les professions mécaniques et même les arts libéraux quand ils ne sont véritablement exercés que comme des métiers. La peinture, la sculpture sont des arts dans un homme qui sait exprimer les passions et les caractères, émouvoir l'âme ou l'attendrir, réaliser enfin ce beau idéal dont l'observation de la nature et l'étude des grands modèles lui a révélé le secret. Mais un peintre, un sculpteur qui décore les appartements d'ornements ou de figures qu'il copie n'exerce réellement qu'un métier. L'un crée de nouveaux plaisirs pour les hommes éclairés et sensibles, l'autre sert le goût, la vanité des hommes riches. Les motifs de former des établissements publics d'instruction destinés aux diverses professions ne sont pas les mêmes pour ces deux classes. Pour les professions qu'on peut regarder comme publiques, on doit considérer surtout l'avantage d'en confier l'exercice à des hommes peu éclairés. On doit chercher à perfectionner les autres dans la vue d'augmenter, pour la généralité des individus, les jouissances, le bien-être que les travaux de ces professions leur procurent, et d'étendre dans la classe même des pauvres une partie de ce bien-être. Dans un pays où les arts fleurissent, le pauvre est mieux logé, mieux chaussé, mieux vêtu que dans ceux où ils sont encore dans l'enfance. Cette augmentation de jouissance est-elle un véritable bien ? N'est-elle pas plus que compensée par l'existence de nouveaux besoins, suite nécessaire de l'habitude du bien-être ? C'est une question de philosophie que je ne chercherai point à résoudre, mais il est certain du moins que l'accroissement successif des jouissances est un bien, tant que cet accroissement peut se soutenir et remplacer par de nouveaux avantages ceux dont le temps a émoussé le sentiment. Je connais un pays où les pauvres n'avaient pas de fenêtre il y a 40 ans et ne recevaient le jour que par la moitié supérieure de la porte que l'on était obligé de laisser ouverte. J'ai vu l'usage des fenêtres y devenir général. Ce changement sera peut-être très indifférent au bonheur de la génération suivante, mais il a été un véritable bien pour ceux qui en ont joui les premiers. Or, c'est précisément une augmentation toujours progressive de jouissance pour les pauvres que l'on doit attendre de ce progrès général des arts mécaniques, résultat nécessaire d'une instruction bien combinée. Elle aura de plus l'avantage d'établir une égalité plus grande entre les hommes qui pratiquent les arts. Elle rapprochera les enfants de l'artisan pauvre de ceux de l'ouvrier plus riche qui peut consacrer quelques fonds à les perfectionner dans leur métier. Et sous ce point de vue, c'est un des meilleurs moyens de diminuer dans un pays l'existence de cette classe d'hommes que le malheur dévoue à la corruption, auxquels la justice oblige de conserver des droits qu'ils sont trop peu dignes d'exercer et qui mettent un si grand obstacle au perfectionnement des institutions sociales. L'instruction publique ne doit pas être la même pour ces deux classes de professions. Il existe une autre différence entre ces deux classes qui en nécessite une dans l'instruction. Les unes sont nécessairement exercées par une grande masse de citoyens et on ne peut leur destiner une instruction qui remplirait une portion considérable de leur vie. Elle ne doit être dans l'enfance qu'une partie de leur apprentissage et pour les hommes qu'une étude à laquelle ils se livrent dans la vue du profit qu'ils en retireront, mais sans pouvoir y donner que le temps où leur métier ne les appelle pas au travail. Les autres professions, au contraire, ne sont exercées que par un petit nombre de citoyens. Une instruction étendue en est la base première, une condition que la société ou ceux qui les emploient ont droit d'exiger d'eux avant de les charger des services publics ou privés auxquels ils sont appelés. Nature de l'instruction publique pour les professions mécaniques. L'instruction que la puissance publique doit préparer pour les professions mécaniques ne consistera point à ouvrir des écoles où on les enseigne. Il n'est pas question d'apprendre à faire des bas ou des étoffes, à travailler le fer ou le bois, mais seulement de donner celles des connaissances utiles à ces professions qui ne peuvent faire partie de l'apprentissage. On peut classer ces connaissances, ou suivant leur nature, ou relativement aux arts pour lesquels elles peuvent être nécessaires. Sous le premier point de vue, on trouvera le dessin, qui est indispensable et dans tous les arts employés par le luxe où l'on joint la décoration à l'utilité, et dans toutes les professions où l'on fabrique des instruments et des outils employés pour les autres arts. Viennent ensuite les connaissances chimiques, utiles à ceux qui préparent ou qui emploient les métaux, les cuirs ou le verre, qui impriment des couleurs ou appliquent des teintures. Les premiers principes de la mécanique, les connaissances communes de physique, les éléments de l'arithmétique commerciale, ceux du toisé, de l'évaluation des solides, enfin, quelques parties de géométrie élémentaire qui ne sont point comprises dans l'instruction commune, telles que la théorie de la coupe des pierres, la perspective, doivent entrer dans cette même instruction. Toutes ces connaissances ne sont pas nécessaires à chaque profession ou ne le sont pas au même degré. L'instruction utile à un fabricant d'étoffes ne ressemble pas à celle dont un serrurier a besoin. L'instruction d'un charpentier doit différer encore plus de celle d'un teinturier. On pourrait, il est vrai, former de ces métiers différentes classes dont chacune renfermerait ceux qui ont le plus d'analogies et auraient une instruction particulière. Mais la plupart d'entre eux exigeant des connaissances de différentes natures et qui seraient cependant les mêmes pour ces diverses classes, on ne pourrait suivre ce système d'instruction sans le rendre trop dispendieux par la multiplicité des maîtres ou sans restreindre le nombre des établissements de manière à en perdre le plus grand avantage, celui de répandre les lumières avec égalité. Il ne serait pas d'ailleurs sans inconvénient de séparer, dans différentes villes, l'instruction destinée à ces diverses classes dans la vue de diminuer la dépense. L'intérêt de la société est que les arts se répandent partout d'après le besoin seul, que les professions s'unissent et se séparent librement. Il faut cependant combiner l'enseignement de manière que ceux qui se destinent à une profession puissent apprendre seulement ce qui leur est nécessaire. Occupés de leurs travaux, ils rebuteraient une instruction qui ne leur offrirait pas l'idée d'une utilité immédiate et directe. Il faut donc que l'enseignement de chaque maître soit partagé de manière que les diverses parties des cours qu'il enseignera répondent aux besoins plus ou moins étendus que chaque profession peut en avoir. Il suffirait, dans chaque chef-lieu de district, de deux maîtres, l'un chargé de donner les connaissances élémentaires du dessin, l'autre de la partie scientifique des arts. Dans les chefs-lieux de département, on porterait à quatre le nombre de ces professeurs, en partageant entre trois les éléments des sciences. Il serait peut-être plus convenable de réserver ces établissements pour les villes plus grandes et de ne pas ici suivre l'ordre des établissements politiques. En effet, cet enseignement est destiné principalement aux jeunes apprentis. C'est dans le lieu où ils se rassemblent que l'instruction doit être placée et par conséquent, il peut être utile d'en disposer les divers degrés d'après cette réunion déterminée par les convenances commerciales. On évitera, dans l'enseignement, avec un soin égal, et de fatiguer les élèves en les fixant trop longtemps sur des idées abstraites, et de dégrader leur raison en leur faisant adopter, sur parole, des principes qu'ils ne comprennent pas, des règles dont on ne leur explique pas les motifs. Les livres faits exprès, avec des explications séparées propres à guider leur maître, sont ici une nécessité absolue. Et il faudrait une grande justesse d'esprit, des connaissances étendues, un esprit bien philosophique, pour savoir garder un juste milieu et concilier le peu d'application qu'on peut exiger des élèves et le respect que l'on doit avoir pour leur raison. Cette même instruction sera combinée de manière qu'elle n'enlève au travail que le moins de temps qu'il est possible. Comme, en formant les divisions principales de cet enseignement, on ne trouverait en général que deux ou trois parties qui fussent nécessaires à une même profession, deux ou trois leçons par semaine doivent suffire pour chaque cours. On se réserverait le dimanche pour l'instruction qui convient aux ouvriers déjà formés ou aux maîtres. Une récapitulation des connaissances qu'ils ont dû acquérir y serait mêlée à l'enseignement des nouveaux procédés, des nouvelles vues dont il serait utile de les instruire. Avantages de l'instruction destinée aux arts mécaniques. Par ce moyen, en répandant plus de lumière sur la pratique des arts, on aura en général des ouvriers plus habiles et un plus grand nombre de bons ouvriers. Ainsi, les produits des arts qui répondent à l'emploi d'un même espace de temps et de soins, à la même quantité de denrées premières, auront une valeur réelle plus grande et par conséquent, la véritable richesse en sera augmentée. Ces productions acquerront aussi un plus grand degré de durée, d'où résulte une moindre consommation, soit des matières qu'elles emploient, soit de celles qu'absorbent les besoins des ouvriers. Ainsi, la même masse de travaux et de productions nouvelles pourra répondre à une plus grande quantité d'usages utiles, de besoins satisfaits ou de jouissances. Les hommes qui ont reçu cette instruction y trouveront aussi plusieurs avantages. D'abord, ceux qui ont moins d'adresse, moins d'intelligence naturelle, ne seront plus condamnés à une infériorité si grande en elle-même, si funeste dans ses effets. Ils pourront, par leur application, atteindre du moins un degré de médiocrité qui rendra leur travail suffisant pour leurs besoins. Enfin, ceux d'entre eux que le hasard a destinés à ces professions mécaniques, mais à qui la nature a donné des talents réels, ne seront perdus ni pour la société, ni pour eux-mêmes. Si cette instruction ne leur suffit pas pour s'élever au point où, nés dans une autre fortune, ils pouvaient espérer d'atteindre, au moins elle leur ouvrira une carrière utile et glorieuse. Celui qui avait le germe du talent de la mécanique se distinguera par des inventions dans les arts. Celui qui était appelé à la chimie, s'il ne fait pas de découvertes dans cette science, perfectionnera du moins les arts qui en dépendent. Leur génie ne sera point dégradé. Il pourra se diriger encore vers un des emplois qui entrent dans le système général de perfectionnement de l'esprit humain. Si même les dispositions naturelles de quelques-uns les appellent aux connaissances purement spéculatives, cette instruction suffira pour leur en ouvrir la carrière, pour constater ces dispositions et leur faciliter, par là, les moyens de remplir leur destinée. Ceux qui sont nés avec une grande activité d'esprit trouveront, dans ces études, des objets sur lesquels ils pourront l'exercer, des principes propres à la diriger vers un but réel. Ils ne seront plus exposés à chercher souvent ce qui est trouvé, plus souvent ce qui ne peut l'être. Ils apprendront à connaître leurs forces, à ne pas tenter ce qui est trop au-dessus d'elles. Cette classe nombreuse d'hommes utiles n'offrira plus le spectacle affligeant de gens d'un véritable talent, d'un grand courage, d'une infatigable activité, malheureux par ces qualités mêmes, entraînés malgré eux dans des tentatives ou vaines ou mal dirigées. Ne pouvant, au milieu de la misère qui menace leur famille, résister ni à leur imagination ni à leurs espérances, tourmentés enfin par le désordre de leurs affaires comme par le regret de ne pouvoir poursuivre leur carrière, par leurs remords comme par leurs idées, les hommes qui, par état ou par goût, suivent la marche des arts savent seuls combien ces exemples sont fréquents. Ils savent seuls combien de temps et de capitaux sont perdus, même par ceux qui échappent à ce malheur, et quelle source de prospérité pourrait ouvrir ces mêmes talents, ces mêmes capitaux employés d'une manière utile. Enfin, l'instruction des ouvriers rassemblés dans les villes a une utilité politique trop peu sentie. Les travaux des arts sont en général d'autant moins variés pour chaque homme en particulier qu'ils se perfectionnent davantage. Leurs progrès tendent à circonscrire les idées du simple ouvrier dans un cercle plus étroit. La continuité de ses occupations monotones laisse moins de liberté à sa pensée et présente moins d'objets à sa réflexion. En même temps, celui des villes est exposé à plus de séductions parce que c'est auprès de lui que se rassemblent et s'agitent ceux qui ont besoin de tromper les hommes et dont les projets coupables demandent des instruments aveugles dont ils puissent se faire tour à tour des appuis ou des victimes. Les intérêts de cette classe de citoyens sont moins évidemment d'accord avec l'intérêt général que ceux des habitants des campagnes. Les combinaisons nécessaires pour apercevoir la liaison, l'identité de ces intérêts sont plus compliquées et se forment d'idées plus subtiles. Enfin, plus près les uns des autres, leurs erreurs sont plus contagieuses, leurs mouvements se communiquent plus rapidement et, agitant de plus grandes masses, peuvent avoir des dangers plus réels. La liberté a toujours été plus difficile à établir dans les villes qui renferment un grand nombre d'ouvriers. Il a fallu ou porter atteinte à la leur, en les soumettant à des règlements sévères, ou sacrifier à leurs préjugés, à leurs intérêts, celle du reste des citoyens. Souvent même, la réunion de ces deux moyens contraires n'a pu maintenir la paix qui devait être le prix de ces sacrifices. L'instruction ne serait-elle pas un secret plus doux et plus sûr ? L'homme qui passe d'un travail corporel à un désœuvrement absolu est bien plus facile à tromper, à émouvoir, à corrompre. Les erreurs, les craintes chimériques, les absurdes défiances entrent plus aisément dans une tête dépourvue d'idées. Des connaissances acquises dans les écoles publiques, en relevant les ouvriers à leurs propres yeux, en exerçant leur raison, en occupant leurs loisirs, serviront à leur donner des mœurs plus pures, un esprit plus juste, un jugement plus sain. S'il reste dans une nation une classe d'hommes condamnés à l'humiliation par la pauvreté ou l'ignorance, quand ils ne le sont plus par la loi, s'ils ne peuvent exercer qu'au hasard et sous le joug d'une influence étrangère les droits que la loi a reconnus, si une égalité réelle ne s'unit pas à l'égalité politique, alors le but de la société n'est plus rempli. L'homme libre qui se conduit par lui-même a plus besoin de lumière que l'esclave qui s'abandonne à la conduite d'autrui, celui qui se choisit ses guides que celui à qui le hasard doit les donner. Épuiser toutes les combinaisons possibles pour assurer la liberté, si elle n'embrasse pas un moyen d'éclairer la masse des citoyens, tous vos efforts seront inutiles. L'instant de ce passage est le seul qui offre des difficultés réelles. Les hommes de génie qui aiment mieux éclairer leurs semblables que les gouverner, qui ne veulent commander qu'au nom de la vérité, qui sentent que plus les hommes seront instruits, plus ils auront sur eux de pouvoir, qui ne craignent pas d'avoir des supérieurs, et qui se plaisent à être jugés par leurs égaux, ces hommes ne peuvent être que très rares, et ceux que l'élévation de leur âme, la pureté de leur vue, l'étendue de leur esprit place à côté d'eux sont encore en petit nombre. Tous les autres, que veulent-ils ? Maintenir l'ignorance du peuple pour le maîtriser tantôt au nom des préjugés anciens, tantôt en appelant à leur secours des erreurs nouvelles, mais ce n'est pas ici le lieu de démasquer cette coupable hypocrisie, ces ruses des pisastres et des denis qui conduisent le peuple à l'esclavage, tantôt en excitant ses passions, tantôt en lui inspirant des craintes chimériques, le soulevant aujourd'hui contre les lois, le dispersant le lendemain au nom des mêmes lois à la tête de leurs satellites, implorant sa pitié contre leurs ennemis et employant bientôt contre lui les forces qu'il leur a confiées. C'est en répandant les lumières parmi le peuple qu'on peut empêcher ces mouvements de devenir dangereux. Et jusqu'au moment où il peut être éclairé, c'est un devoir pour ceux qui ont reçu une raison forte, une âme courageuse, de le défendre de l'illusion, de lui montrer les pièges dont sans cesse on enveloppe sa simplicité crédule. Aussi, c'est contre ces mêmes hommes que les tyrans réunissent toutes les forces, c'est contre eux qu'ils cherchent à soulever le peuple, afin que de ses mains égarées, il détruise lui-même ses appuis. C'est contre eux qu'ils déchaînent la troupe vénale de leurs espions, de leurs flatteurs, et la haine contre le philosophe, les déclamations contre ses dangers et son inutilité ont toujours été un des caractères les plus certains de la tyrannie. Moyen d'instruction pour les hommes. Les cabinets d'histoire naturelle et de machines destinés à l'instruction commune renfermeront également les échantillons des denrées premières ou des préparations dont la connaissance peut être utile aux arts et les modèles des machines, des instruments, des métiers qui y sont employés. À l'avantage de l'instruction, ces cabinets joindront celui de délivrer du charlatanisme des prétendus découvreurs de secrets, des intrigues de leurs protecteurs, des dépenses inutiles où ils engageraient une nation qui voudrait les récompenser, des entraves qu'ils mettraient à l'industrie de celles dont l'ignorance leur accorderait des privilèges. On ne pourrait alors avoir à récompenser que les véritables inventeurs, et le nombre en serait bien petit. Ces dépôts mettraient aussi à l'abri des rustres communes dans le commerce, parce qu'on y apprendrait très aisément à reconnaître les denrées premières dans leur état de pureté, les préparations plus ou moins parfaites de ces denrées, la nature des différents tissus, etc. Un professeur montrerait ce cabinet les jours consacrés au repos, répondrait aux questions, résoudrait les difficultés. Les objets y seraient rangés non suivant un ordre scientifique, mais d'après la division commune des métiers, afin que chacun trouvât aisément les objets qui peuvent l'intéresser le plus. On sent qu'il ne faudrait pas beaucoup d'efforts pour déterminer un ouvrier qui achète 20 fois par an la même préparation, à venir s'assurer par ses yeux des moyens d'en reconnaître la bonté, de n'être trompé ni sur la qualité ni sur le prix. En se bornant aux choses utiles, on ne doit craindre ni la dépense, ni la trop grande étendue de ses dépôts. Et si on se trompait en négligeant des objets vraiment utiles, comme les cabinets qui seraient établis dans la capitale ou dans les très grandes villes devraient renfermer même ce qui semblait ne pouvoir être jamais que de pure curiosité, les erreurs que l'on commettrait en ce genre n'auraient que de faibles inconvénients. Des modèles de métiers ou d'instruments sont fort chers, sans doute, lorsqu'on se borne à en faire construire un seul. Mais comme ici, on doit les multiplier, le prix de chacun diminuerait avec leur nombre et en formant un établissement général où ils seraient fabriqués, on trouverait de nouveaux moyens d'économie. Des professions qu'on peut regarder comme publiques. Celles des professions qui sont destinées au service public et auxquelles il n'est pas nécessaire que tous les hommes soient préparés par l'instruction commune sont d'abord la science militaire et l'art de guérir. Quelques parties de l'administration exigent des connaissances particulières, soit de politique, soit de calcul. Mais il est aisé de les acquérir à l'aide de celles que l'on aura puisées dans l'instruction générale, et elles ne sont pas nécessaires à un assez grand nombre d'individus pour mériter de devenir l'objet d'un enseignement séparé. À ces deux premières professions, je joindrai l'art des constructions, qui n'est qu'une profession privée lorsqu'il s'exerce pour les besoins des individus, mais qui devient une profession publique lorsqu'il s'occupe d'ouvrages faits au nom et aux frais de tous pour l'utilité commune. Instruction militaire. L'instruction relative à l'art militaire a deux parties. L'une, plus générale, embrasse les connaissances nécessaires à tout officier qui peut être chargé d'un commandement, et par conséquent, il est utile qu'elle s'étende à quiconque veut embrasser l'état de soldat. Pour le fils de l'homme à qui sa fortune permet de donner à ses enfants une éducation suivie, elle précéderait l'entrée au service, elle la suivrait pour les autres. Ces institutions, en permettant à un plus grand nombre de familles d'aspirer à une admission immédiate dans le grade d'officier, en rapprochant pour les autres le moment d'y prétendre, conserveraient une distinction nécessaire au progrès de l'art militaire et empêcheraient que cette distinction n'altérât même dans le fait l'égalité des citoyens. Dans les villes de grande garnison, une instruction plus étendue serait ouverte aux officiers déjà formés. Et dans toutes, une instruction commune, offerte à tous les militaires à des jours réglés, servirait à leur rappeler ce qu'ils ont pu oublier, à leur donner des connaissances nouvelles qui pourraient leur être nécessaires. L'artillerie et le génie exigent des établissements particuliers, des écoles destinées aux connaissances propres à ces professions. Plus une nation fidèle à la raison et à la justice rejette toute idée de conquête, reconnaît l'inutilité de ces guerres suscitées par de fausses vues de commerce, proscrit cette politique turbulente qui sans cesse prépare ou entreprend la guerre, entraîne la nation qu'elle séduit à se ruiner et à s'affaiblir pour empêcher l'agrandissement de ses voisins, en compromet la sûreté actuelle pour en assurer la sûreté future, plus elle doit encourager l'étude théorique de l'art militaire et surtout l'art de l'artillerie, celui de fortifier les places et de les défendre. Un homme préparé par une bonne théorie acquiert en une année d'exercice plus que 10 années d'une pratique routinière n'aurait pu lui donner. Quand même une nation aurait perdu l'habitude de la guerre, des artilleurs habiles, des ingénieurs éclairés suffiront pour sa sûreté, donneront le temps à des officiers instruits par l'étude de former des soldats, de créer une armée. Instruction pour la marine. De même, pour la marine, un premier degré d'instruction donnerait les connaissances nécessaires à ceux que leur inclination, le défaut de goût pour le travail ou le peu de fortune, enverrait à la mer au sortir de l'enfance. Une autre instruction serait combinée dans les ports, dans la vue de perfectionner ses premières études. Elle se prêterait à l'irrégularité, à la brièveté de leur séjour, de manière que, partout ils la retrouvassent la même. Mais il faudrait réserver une instruction plus profonde à ceux qui la voudraient suivre et à qui cette seconde instruction tiendrait lieu de quelques années de mer. Là, on pourrait élever aux dépens du public les jeunes gens qui, dans les premières écoles, auraient montré le plus de talent. La supériorité de la théorie peut seule donner à la marine française l'espérance d'égaler celle d'Angleterre. Il y a une si grande différence dans le rapport de l'étendue des côtes à la superficie du pays et au nombre des hommes, dans celui des denrées transportées par mer à la consommation totale, que la nation française ne peut devenir, comme l'anglaise, presque entièrement navigatrice. Si l'on compare le commerce de la France à celui de l'Angleterre, on verra que la première se borne presque à l'exportation de ses denrées, à l'importation des denrées étrangères destinées à sa consommation, et qu'auprès de la masse de son commerce national, celui de factorerie n'a qu'une faible importance. Il est immense pour l'Angleterre. Cette différence doit diminuer sans doute. La destruction successive de cette richesse précaire doit finir par affaiblir la puissance anglaise. Et, lorsqu'il existera entre les nations du globe une égalité plus grande d'industrie et d'activité, il lui arrivera ce qu'ont éprouvé la Hollande et Venise et ce qu'éprouvera toute nation qui aura placé hors de son sein la source de sa prospérité et de sa force. L'ambassadeur d'Espagne, qui répondit aux Vénitiens lorsqu'il lui étalait avec orgueil les trésors de la République, « Maqui non è la radice », leur donnait une grande leçon, dont l'Espagne elle-même aurait pu profiter. Il arrivera sans doute un temps où la puissance militaire n'aura plus sur mer la même importance. Les nations sentiront que les possessions éloignées sont plus nuisibles qu'utiles, que si l'on renonce au profit de l'oppression, on n'a pas besoin d'être le maître d'un pays pour y commercer, et que les avantages de la tyrannie sont toujours trop achetés par le danger qui les accompagne, par les maux qui en sont la suite nécessaire et l'inévitable punition. Les esprits commencent à se pénétrer des grandes idées de la justice naturelle, et ces idées sont plus incompatibles avec la guerre maritime qu'avec celle de terre. On peut éloigner celle-ci du brigandage. Elle ne s'en fait même que plus sûrement et avec moins de dépenses. Mais si on respecte la propriété dans les guerres maritimes, si des sociétés renoncent à l'usage honteux de donner des patentes à des brigands, de créer une classe de voleurs auxquels, en vertu du droit des gens, on accorde l'impunité, alors la guerre de mer n'a plus qu'un objet unique et rarement praticable, l'invasion. Cependant, ces changements sont trop éloignés de nous pour que l'enseignement d'une théorie approfondie de la navigation puisse être négligé. D'ailleurs, si un jour il devient moins utile comme moyen de défense, il le sera toujours comme moyen de prospérité, comme un objet important à la conservation, au perfectionnement de l'espèce humaine. L'art de naviguer est un de ceux qui montrent le plus la puissance de l'esprit humain. Il s'appuie de toutes parts sur des théories trop profondes pour qu'on puisse jamais l'abandonner à la routine. Les questions les plus épineuses de l'analyse mathématique et de la science du mouvement, les points les plus délicats et les plus difficiles du système du monde, les recherches les plus fines de l'art d'observer et de la mécanique pratique, les observations les plus étendues sur la nature des aliments, les effets du régime, les influences du climat, sont employées à construire, à faire mouvoir, à diriger un vaisseau, à conserver les hommes qui le montent. Et il serait difficile de citer une partie un peu étendue des arts mécaniques ou des sciences dont la connaissance ne fut pas utile dans la construction, dans la manœuvre, dans le gouvernement d'un vaisseau.